Nous sommes arrivés. Nous voilà juste devant le porche de la préfecture. Merci, Mich. Certainement, madame. Le porche de la préfecture. On verra très bien d'ici. On ne peut pas mieux voir. Oh, maman, voilà plus d'une demi-heure qu'on attend et qu'on tourne en rond. Je parie que nous attendons pour rien et que papa est déjà sorti. Le conseiller Norbury, s'il vous plaît. Là-haut, séance dernière. Merci. Attendez encore un moment, mes enfants. Mais vous, Mich, vous pouvez partir. Ne vous tourmentez pas pour nous. Je reste ici avec mes enfants. Vous aviez un rendez-vous, je m'en souviens. Comme vous voulez, madame. Mais je pouvais aussi remettre... Il est 4 heures précises. Certainement, madame, c'est à cause du rendez-vous. Mais je l'aurais volontiers. Alors au revoir, Mich. Soyez sage, c'est rendez-vous. Oh, madame, n'en doutez pas. Au revoir, madame. Toutes mes excuses. Au revoir, Michou. La discussion a dû s'enflammer. Je crains même des incidents. Vous savez bien que votre père ne transige jamais. Il doit penser à sa carrière. Oh, maman! Je me souviens tout d'un coup, je dois retrouver une amie à 4 heures. La petite faille. La petite faille. La petite faille. Tu voudrais t'en aller? Bah forcément, maman chérie. Forcément. Tout de suite? Oui, même je suis en retard. Tu vas bien chez la petite faille? Mais oui. Nous ne sommes plus des enfants, on a quand même un peu grandi. Tu n'entreras pas trop tard pour dîner. Mais non. Au revoir. N'allez pas en canot sur le lac. Il y a un peu de vent. Mais non. On entend même la musique d'ici. On est bien, n'est-ce pas? Plaisir rare. Ce retard. Il fallait bien le prévoir. Évidemment, c'est un peu ennuyeux d'attendre. Bon, c'est une joie pour moi. Oh, Robert, je ne veux pas que tu te sacrifies. Tu peux très bien t'en aller, toi aussi. Une aussi belle journée. Oui, je laisse ma mère seule le jour de son anniversaire et je suis un fils sans cœur. Mich est sauvé comme un lapin. Lia, n'en parlons pas. Tout le monde est parti pour s'amuser et moi, je reste. Et c'est toujours comme ça. Mais je peux très bien attendre ton père toute seule. Ça ne m'ennuie pas du tout. Tu as tant à faire, Robert. Ton diplôme a terminé. J'ai perdu tout espoir de le finir. On ne me laisse pas tranquille un moment. Mais c'est vrai, on dirait que vous ne pensez qu'à vous-même. Va, Robert, va. Mon Dieu, si vraiment tu y tiens. Mais ensuite, tu ne te poseras pas en victime. Ça fait une demi-heure que je te le dis. Laisse-moi tranquille. Je veux rester seule. Tu sais, cette robe ne me plaît pas. Non? Non, elle est trop jeune, trop jolie. Au revoir. Ne rentre pas tard pour dîner. Ce soir, je fais de la tarte aux amandes. Oui, au revoir. Bien, que font-ils? Que disent-ils? J'en suis bien désolé, monsieur Loustat. J'ai peur que l'honorable conseil supérieur de la préfecture ne soit très en colère contre vous. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, enfin, monsieur Loustat, il y a maintenant plus d'une heure que le conseil s'est réuni et l'on n'attend plus que vous. Enfin, le conseiller Norbury parle de prendre des mesures contre vous. Ah, des mesures? Mais oui, des mesures. Enfin, pardonnez-moi, mais... Et comment se fait-il? Vous ne saviez pas, vous étiez de service aujourd'hui. Si je le savais, mais je ne dormais pas depuis une semaine. Oh, et vous ne vous présentez pas, voyons. Messieurs les conseillers ont interrompu leurs vacances exprès pour la réunion. Et par votre faute, ils risquent de devoir repartir sans avoir rien conclu. Oh, vous êtes en retard, bon sang, mais... Présentez-vous quand même et implorez leur clémence. Monsieur, j'ai perdu la clé. La clé. Mais vous ne comprenez pas la clé de la section 7, archive B4. Oh, et dire que je l'ai gardée jusqu'à ce matin dans ma poche, oh, c'est épouvantable. Oh, quelle fatalité. Oh, ne m'abandonnez pas, monsieur le concierge. Écoutez, faites une bonne action. Montez vous-même, regardez si par hasard je n'aurais pas laissé cette clé dans la serrure. Hein? Ou bien accrochée à son clou. Je vous ai déjà expliqué où se trouve mon bureau, là-haut. Ah oui, j'y vais, monsieur, avec un peu de chance. Oh, mais l'affaire est délicate. Attention, quelqu'un. Ayez l'air naturel. Ah, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Lins. C'est toujours pour moi un grand honneur de pouvoir vous présenter mes hommages. Comment allez-vous? Oh, mon Dieu, c'est votre mari qui m'envoie. Il ne peut pas venir? Je le crains, en effet. La réunion a souffert d'un fâcheux retard. Il y a eu des incidents, même des éclats. la présence de monsieur le préfet, la défaillance d'un archiviste. Alors, je venais justement vous prévenir que votre mari espère se libérer d'ici une petite heure ou deux, mais je crains que... Je le crains, moi aussi, cher Lins. Aujourd'hui, nous devions aller au bord du lac. Ce sont les nécessités, madame, de la carrière de votre mari. Oh, c'est tout à fait juste. Je vais rentrer chez moi, tant pis. Ah, j'oubliais. Votre mari a dit qu'après la réunion, il a rendez-vous avec le président Aldenaï. Alors, si par hasard, il devait tarder, c'est peu probable. Enfin, il ne faudrait pas vous inquiéter. Ce serait qu'il dîne avec Aldenaï. C'est par cette avenue, n'est-ce pas? Je veux dire, pour retourner chez moi, je ne connais pas encore très bien la ville. Oui, en effet, au parc cette avenue, tout droit, en 10 minutes, vous aurez regagné votre domicile. Je vous accompagnerai bien volontiers. Ce serait une grande joie pour moi. Malheureusement, un vice-conseiller est toujours sacrifié, le bœuf de la bourre. Et dire que depuis 5 ans, je devrais être conseiller. Oh, Lins, rappelez-vous à Oulta. Quelles belles années. Vous n'avez pas changé. Oh, vous non plus, madame. Ah non, vous non plus. Toujours jeune, belle, admirée. Oui. Que d'amis. Vous vous souvenez? Vous m'appeliez... La petite princesse. Vous souvenez-vous de cet air de danse? Adieu, ma belle dame. Puis je me suis fiancée, je me suis mariée. Et tout cela me paraît un songe. Bien sûr. La petite princesse, très entourée, un peu fière. Je resterais davantage, madame, si je le pouvais. Mais... mais vous pouvez partir, Lins. Croyez-vous que je trouverai un marchand de journaux sur mon chemin? Je voudrais acheter une revue. Les enfants sont sortis, la bonne aussi. Je ne trouverai personne à la maison. En effet, sur votre route, il y a 2 kiosques... Malheureusement, je crains que vous ne les trouviez tous les 2 fermés, un dimanche. Dommage. Savez-vous ce qui est malheureux, Lins? Que les enfants grandissent. Quand on est clair, ils deviennent de grandes personnes. Tout à coup, on s'aperçoit que l'on n'a plus rien à faire chez soi. Ici, d'ailleurs, je ne connais pas encore grand monde. Aujourd'hui, c'était le jour, le saviez-vous, de mon anniversaire. Tous mes voeux, madame. Comme le temps passe vite. Oui, comme il passe. Comme il passe. Mais vous pouvez partir. Je dois rentrer chez moi, d'ailleurs. Au revoir. Mes hommages, madame. Alors, j'ai connu votre père, monsieur. En parler, je suis prêt. Il n'y a pas de clé, monsieur. Et de plus, il semble qu'une véritable fureur se soit emparée du conseil, surtout du conseiller Norbury. Oh, je regrette, monsieur Loustave. Ouais, un fonctionnaire comme vous, le plus ponctuel, le plus zélé de tout le palais. 7 ans là-haut, mon ami, le premier entré, le dernier sorti, la plus belle calligraphie de toute la section. 7 ans? Eh oui, mais ça, on le disait bien, c'est vrai. Le plus zélé, le plus modeste des fonctionnaires. Et le plus drôle, monsieur, c'est qu'au contraire, je haïssais. J'ai toujours sauvagement haï le zèle. La modestie, la belle calligraphie, le module C, le D, les postes fixes, l'autorité. Non, il n'est pas d'autre base. Et si je vous disais que mon idéal a toujours été le désordre? Mais j'étais comme un fauve là-dedans. J'ai souvent imaginé d'y apporter une bombe la plus puissante. Oui, savez-vous ce que, au contraire, j'y apportais en grand secret? Je ne sais pas. Des plumes spéciales, le secret de mon inégalable calligraphie. Que vous payez de votre poche? Jusqu'à hier, la chance ne m'a pas souri, monsieur. Un destin perfide accumulait sur ma tête tous les malheurs de la section archive. Et enfin, hier, j'ai eu l'impression qu'un rayon d'espoir brillait pour moi. Quelle chance! Et pour cela, il a fallu le départ en congé régulier de l'archiviste en chef et de 2 sous-archivistes. Oui, l'appendicite bien connue du secrétaire Bahori, une campagne de presse qui alarma les autorités, une convocation extraordinaire lancée pour un dimanche. Tout cela a été nécessaire, monsieur, pour que ce fût mon tour à moi. À moi, jeune vice-sous-archiviste, adjoint, surnuméraire, d'assister l'honorable conseil. Avec la charge de soumettre les données de la section archives à ces hautes personnalités dont les noms depuis 7 ans troublaient mes nuits. Voici mon rapport, monsieur. La question non dépourvue d'importance était celle des tuyaux. Oui, je ne m'intéresse pas à la politique. Oui, les tuyaux des fontaines municipales. Hein? Oui, la journée d'aujourd'hui pouvait être de celles qui n'arrivent qu'une fois dans la vie. Eh bien, après avoir passé sur ces pages presque la nuit entière et une partie de la matinée, je m'accordais un bref repos. Monsieur, durant 7 ans, ma logeuse m'a tiré de ma sieste avec une précision que je qualifierais de cosmique. Eh bien, aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Tiens, comment se fait-il? Parce que c'est dimanche, monsieur, et qu'en 7 ans, je n'ai jamais été au bureau un dimanche. Ah, ben, ça va de soi. Je me réveille avec un sombre pressentiment. Et pourtant, je perds du temps. Je perds du temps, vous comprenez? Tout d'un coup, mon regard tombe sur la pendule. Et ceci n'est rien, j'étais déjà ici, essoufflé, transpirant à la clé des archives section B4. Je l'avais oublié à la maison, je rentre chez moi, disparu. Ma logeuse, ayant trouvé une clé qui n'était pas à sa place, a pensé naturellement à la mettre quelque part, et en sûreté. Et là, pourquoi ne lui avez-vous pas demandé à elle, à votre logeuse? Parce que c'est dimanche, monsieur, et que ma logeuse, le dimanche, va à la campagne. Oh, je suis infortuné. Oh, c'est Louston, ne soyez pas abattu. Et quand tout semble perdu, la Providence, bien souvent, vient vous aider. Et la journée est superbe. J'irai au lac. On y trouve des endroits où l'on peut s'amuser, des lieux de plaisir, équivoques, où l'aventure n'attend qu'un signe. J'irai à la rive des nymphes. À la rive des nymphes? Pour l'amour de Dieu! Mais j'ai de l'argent! Garçon, Mario, une glace! Voilà, monsieur! Voilà. Voilà. Hey, qu'est-ce que c'est? Votre monnaie, monsieur. J'ai 20 centimes. Oh, merci. Gardez-les, ils sont pour toi. J'ai une certaine influence sur une personne très introduite, l'huissier chef. Ah. Peut-être le conseiller Nambouri, bien que sévère, pourrait-il s'adoucir? Mon opinion sur le conseiller Nambouri. Est-ce qu'il est un vulgaire imbécile? Cet homme ne m'intéresse pas du tout. Je respire, monsieur. Il y a 7 ans que ça ne m'était pas arrivé. Cette baraque pouvait tellement. Oui? Les installations hygiéniques sont très négligées. Je comprends votre situation. Sans doute, monsieur le concierge. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Voleur international. Quelqu'un qui envoie des cartes postales de 1000 endroits différents. Qui vit plongé dans le chaos le plus complet. Oui, monsieur, l'acteur, le voleur. Vous dites? Rien. Et dire que j'ai manqué étouffé là-dedans cette graine mystérieuse que nous portons en nous et de laquelle notre personnalité doit éclore comme une fleur, c'est terrible. Savez-vous que je me suis promis de faire un voyage aux Indes? Aux Indes? Aux Indes, qu'y a-t-il d'extraordinaire? Il y a des centaines de bateaux qui vont aux Indes. J'ai tout préparé. J'ai lu les livres, les temples, Brahma, le soleil couchant sur les Ganges. J'ai même commencé mon journal de voyage. Je l'ai chez moi. Alors, eh bien, riez alors, riez, pourquoi ne riez-vous pas? Je ne riez pas. En le préparant à l'avance, calmement, on est sûr de ne rien oublier. Et vous voyez ces feuilles? C'est le rapport sur les tuyaux. Ben voilà ce que j'en fais, une boulette, et je l'envoie au diable. Oh, ne m'abandonnez pas. Monsieur le concierge, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. Écoutez, je ferai de mon mieux. Je vais me rendre sur place. Et, regardez cette fenêtre. Et, si ce rideau se lève, cela voudra dire que... Il reste encore quelque espoir. Hein? Alors, en ce cas, courez, implorez l'indulgence du conseiller Nambouri. Alors, si au contraire, le rideau descend jusqu'à l'appui de la fenêtre, en ce cas, ça voudra dire que tout est perdu. Je mets mon sort entre vos mains, monsieur le concierge. Que faites-vous? Hein? Oh, rien, monsieur l'agent, je suis... Il y a un moment, je vous observe. Que tenez-vous là? Hein? C'est mon rapport, monsieur, je suis vice... Non, ça ne m'intéresse pas. Vice. Ça m'intéresse pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est simplement un sac. Ne faites pas le malin, jeune homme, on le voit à l'œil nu que c'est un sac. Je suis simplement curieux d'apprendre ce qu'il fait entre vos mains. Et ce que vous faites, vous, depuis 1h20 dans cet parage? Vos manœuvres sont mystérieuses, mon gaillard. Mais c'est à vous que je parle, jeune homme. Vous devez voir, regardez là-haut vers les fenêtres du palais. Hein? Ne faites pas la sourde oreille, jeune homme. Votre attitude ne m'aime pas du tout. Et alors, je vous parle, hein? Et alors, qu'avez-vous à dire? Vous m'avez ennuyé. Quoi? Ennuyé. Je vous signale que je suis un agent de police. Oui, bon, eh bien moi je vous signale que j'en ai assez de vous, de tous les pouvoirs administratifs et politiques. Voilà. Et si je vous disais que vous avez l'air de détruire des documents compromettants, hein? En somme, que faites-vous là? Ce qui me plaît, c'est un banc public, non? Quoi? Tiens, je vais même y passer la nuit, alors je suis un vagabond. Allez-vous-en. Mais de toute manière, ce sac... Oui, il est à moi. C'est celui de ma femme. Non. Puis enfin, ne vous emmenez pas, n'est-ce pas? Ne m'ennuyez plus. Ôtez-vous du paysage. Ainsi? Il est à vous? Je l'avais oublié. Je l'ai surpris pendant qu'il fouillait dedans, j'allais justement l'arrêter. Il a eu l'audace de me dire... Oui. Vous le connaissez, madame? Oui. Oui? Oui. Oui? Parfaitement, monsieur. Oui. Non. Le sac. La femme. Oh non, mais si c'est comme ça, c'est bien ça. C'est, non, mais c'est. C'est bien, c'est. C'est très bien. C'est très bien. Cela peut vous servir. De l'argent? Oh, c'est peu de choses. J'en ai. Oh. Madame, j'en ai. Je ne voulais pas vous offenser. Oh, c'est l'agent, madame, c'est l'agent qui a fait une fâcheuse confusion. Je lis Homère dans le texte. Mais enfin, je veux dire, j'ai fait des études. Je suis un monsieur comme il faut. L'agent... Attention, il nous observe. Hein? Il n'est pas trop certain que je sois vraiment votre... Que dois-je être? Ma femme. On voudrait être sous terre. L'inconvénient est que si nous nous séparions maintenant... L'agent reviendrait vous arrêter. Tant pis, madame, tant pis. Vous avez même eu trop de grandeur d'âme, de générosité. Mais peut-être bien qu'il m'arrêterait aussi. Oh, c'est terrible. Il faut rester ici et parler, parler. Dites quelque chose. Oui, je comprends votre répugnance à mon égard, madame, un inconnu. Pire même. Et pourtant, je vous supplie de me croire. Je suis vraiment... Non, enfin, je ne suis pas... Oh, cela se voit. Qu'est-ce qui se voit, si vous permettez? Que vous êtes quelqu'un de tout à fait recommandable. Un excellent garçon. Remettez votre veston, la journée est fraîche. J'ai des signes particuliers? Non, ça non. Non, ah. Et pourtant, on me regarde et on voit tout de suite que je suis... Que vous êtes un jeune homme comme il faut. Je ne sais pas, un employé. Ah. Voilà. Et justement, vous vous trompez, madame. Je l'ai été. Histoire ancienne. Et vous ne l'êtes plus? Oh, il ne manquerait plus que ça. Des supérieurs aigris, des attributions stupides, une mauvaise odeur. Un beau jour, j'en ai eu assez. Je leur ai dit leurs quatre vérités à ces malheureux. Et je suis parti. J'ai peut-être été un petit peu trop violent. Enfin, j'ai tout déballé. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Ah. Non, c'est pas que je sois méchant. Non, mais quand cela me prend, blanc comme linge, les malheureux. Des insectes. Et puis? Et puis le monde, madame. Il est assez grand, non? La pire des choses, c'est de vieillir là, dans un petit trou. J'ai vu les Indes. Cela doit être beau. Oh, beau. L'eau suffirait. Je parle de l'océan Indien. Quelle transparence, les algues, les reflets, les poissons, et la couleur du ciel. Ça donne envie de pleurer. Ça, oui, c'est la vie. Vous avez aussi été en Chine? Tokyo. La vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée, n'est-ce pas? C'est un péché que de gâcher ces belles journées qui passent si vite. Il faut les remplir, les faire fleurir. Sinon, demain, une fois vieux, quel regret. Moi, je n'ai même pas été à Bellavista, vous rendez-vous compte? Une de mes sœurs, nous l'appelons tante Elisabeth, habite à Bellavista, une villa nommée le Paradis, sur le Golfe. Il y a 10 ans que je dois y passer le mois de septembre. On dit que c'est enchanteur. Eh bien, je n'y suis jamais allée. Je mourrai... Et je n'aurais pas vu le paradis. Vous êtes d'ici? Non, je suis du sud. Ah, moi aussi, madame. Moi aussi. Et arrivé depuis peu? Oui. Ah, je l'avais deviné. La famille... Non, enfin, des parents. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites Je vis. Je vieillis. Oui. Je m'ennuie un peu. Et ça arrive. Toujours là, enfermé entre les mêmes visages. On a beau vivre en famille, on s'aperçoit un jour qu'on n'a plus rien à se dire. On avale une bouchée, on reste là, maussade. Dieu sait pourquoi on s'aime beaucoup moins. Peut-être. On s'aime moins. Une de mes amies, elle aussi... Quoi donc ? Rien, elle dit qu'elle se sent un peu seule. Ah. Oh, vous savez, elle n'est pas d'ici, elle ne connaît pas encore grand monde. La vie est faite pour être heureuse. Regardez ces bonnes se promener. Leur façon de marcher, leur coup de coude, leur petite robe de cotonnade fleurie. Tout cela crie, nous sommes heureuses, nous sommes heureuses. Si elles s'aperçoivent que quelqu'un les regarde, elles rougissent, comme pour s'excuser d'être aussi jeunes et aussi joyeuses. Où croyez-vous qu'elles aillent, si pressées? Au lac, madame. Oui. Toutes les jeunes filles de la ville, le dimanche, quand il fait beau, vont sur les rives du lac. Oui, la journée est belle, tiède. Ce sont les derniers beaux jours. Nous sommes en septembre. Dommage. Dommage? Dommage, car moi, au contraire, je dois rentrer chez moi. Ne vous l'ai-je pas dit? Non. Où je serai seule jusqu'à ce soir. La belle journée passera et moi, je ne serai pas allée au bord du lac. Quand je serai vieille, je le regretterai, n'est-il pas vrai? Regret de ce beau dimanche, regret du paradis, regret de tant d'autres choses. Et oui, certainement, regret. Et que font-elles au lac? Elles dansent, elles retrouvent leurs amoureux. Elles se disputent avec eux. Et elles mangent une tranche de gâteau à 2,75 €. Il y a aussi des guinguettes avec des pianos mécaniques. Vous devez y aller souvent. Oui. Oh, oui, je me proposais justement d'y aller, madame, à la rive des nymphes. C'est un endroit, tant soit peu, équivoque. Mais oui, si on veut. Intéressant. Ah, oui, ça. Seule? Je ne savais pas très bien où aller. Je ne le connais pas moi non plus. Oui, seule, j'allais seule. Je vous crois. Et si je vous demandais de m'y conduire? Voyons un peu. Moi, ça sera, alors ça serait un honneur pour moi. Eh bien, vous ne me semblez pas du tout enthousiaste. Ah non, je ne dis pas ça à cause de vous. Non, c'est à côté, alors ça serait une promenade. Notez cependant que vous serez obligé de dépenser 4,75 € de gâteau. Oui, c'est 1,50 €, à dire vrai. Mais tant pis. Mais peut-être serait-ce plus logique de partager les frais, comme des enfants raisonnables. Bien mieux, comme des compatriotes. Ben oui, ça serait peut-être préférable. Vous ferez jouer pour moi l'orgue de Barbarie Mécanique? Bien sûr. Mais après, sommes-nous sûrs qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de vouloir profiter de l'occasion pour entreprendre ma conquête? Ah non, madame, ah non, alors je suis un honnête homme, un homme comme il faut, je ne voudrais vraiment pas que... Oh, je vous crois, on le voit. Mais qu'est-ce qu'on boit à la fin, Non, vous aimez trop plaisanter. Oh, j'ai si peu l'occasion de plaisanter. Je suis toujours seule. Vous me pardonnez? Oui, bien sûr. Oui, même vous devez plaisanter. J'y tiens. Alors, plaisantez. Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusée à vous faire peur. Je ne saurais qu'y faire au lac. Hélas, le temps file. L'agent est parti. Bientôt, il y aura de l'ombre ici. Quelle merveilleuse journée. Je dois rentrer à la maison. Et le coucher de soleil sur le lac aura lieu sans moi. Vous partez? On parlait si agréablement. Vous m'êtes sympathique, vous devez être bonne. Je regrette. Moi aussi, mais que faire? Je vous aurais vraiment conduite à la rive des nymphes, vous savez. Il y a un monde fou. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, pour des raisons personnelles, je ne suis pas tout à fait dans mon état normal. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'est un peu mon cas. Au revoir. Au revoir. Que vous arrive-t-il, madame? Je regarde dans mon sac, pas de clé. Oh. Oublié. Oh. C'est dimanche, tous sont sortis, la bonne aussi. Je me sens littéralement abandonnée. Je me demande ce que je peux faire de moi. Mais je suis là. Eh bien... Pour le gâteau, chacun pour soi. Allons-y, en bon camarade. Moi, chacun pour soi, ça n'est pas nécessaire. Je suis là, moi. Oh, vous savez, rentrer à la maison, n'y trouver personne, et attendre le soir sans même un livre à lire, ce n'était vraiment pas très gai. Eh bien, nous allons nous amuser. Ah. Mademoiselle! Oui, ce sandwich, une bière! Oh, un peu de patience, je viens à l'instant! Venez, asseyons-nous là. Non, je retourne chez moi. Vous n'aviez pas dit? Et je regrette, j'ai changé d'avis, je rentre chez moi. Installez-vous, messieurs, dames, là, tenez. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Et ma chaise? Mademoiselle, il y a une demi-heure que je vous appelle, alors ici, c'est... Allez-y nous asseoir, il le faudrait au moins pour un instant. Moi, je m'en vais. Ici, tenez. Voilà, d'ici, on voit tout le lac. On verrait même le coucher du soleil s'il n'y avait pas le toit de la cuisine. Soyez tranquilles, je crois qu'ils vont bientôt s'en aller. Ils sont là depuis 2 heures et ils n'ont pris que 2 manteaux. À mon avis, ils n'en ont pas beaucoup. Ah, ils n'en ont pas beaucoup. Ici, asseyons-nous ici. Oui, enfin, ici ou là, pour moi, c'est pareil, monsieur. Mademoiselle, voilà. Mais mademoiselle, de l'eau, voyons, de l'eau. Mais il y a le lac pour ceux qui veulent de l'eau, pour se noyer. Mademoiselle. Voilà, je n'ai que deux bras et deux chambres, écoutez. Un nazeutage. En tout cas, nous ne resterons pas longtemps, n'est-ce pas? Il y a trop de vacarme. Vous voyez le lac, les barques, c'est joli, n'est-ce pas? C'est pittoresque. Quel dommage, le toit de la cuisine, on aurait pu le construire ailleurs. Demande seulement, ils sont là depuis 2 heures. Alors c'est ça? Quoi donc? Ce fameux café. La rive des nymphes, nous y sommes, madame. Un endroit plus recommandable. Oh, et de réputation douteuse, équivoque. Et pourquoi? Parce qu'il est équivoque. Couple, amour, danse et petit scandale, un vrai repère de contrebandiers. Le piano mécanique est à côté, vous entendez? Quelquefois, il y a des descentes de police. De police? Des rafles, des coups de filet. On y trouve des salons particuliers, des tunnels ombragés. Et pour qui veut aller sur le lac, des petites barques. Oh, c'est un endroit... caractéristique. C'est l'endroit le plus caractéristique de la ville. C'est ce qu'on appelle un lieu de délices. Vous entendez, il y a un tir aussi à côté. Que de gens. Oh. Ils font un joli tapage. Et ça? Ah, ça c'est le petit billard automatique. On tire la poignée, la boule est lancée et on gagne une trompette. Si je voulais, je pourrais moi aussi tirer la poignée. En mettant 50 centimes, oui, madame. Café, thé, gâteau, menthe, glace à la fraise, grenadine, crème à la liqueur. Dites, madame, tout ce que vous voulez, je suis à vos ordres. Framboise, sirop d'orge à vin de Malaga, vin d'eau, tasse, sandwich au jambon, saucisse. Que diriez-vous de 2 grenadines? C'est ce qu'il y a de moins cher, monsieur. Mais bon, ben, ça va, ne vous occupez pas de ça. Bon, alors 2 grenadines. Bon, ben, réfléchir. Réfléchissez donc, monsieur. Hé, mon chapeau, là. Qu'est-ce que vous voulez en faire, monsieur? Bon, ça va, gardez-le. Je vais pas le mettre, vous savez. En général, ces endroits sont de véritables attrape-bigots, alors gare aux naïfs. Et sirop de framboise, c'est une boisson simple. Alors c'est ici que vont les bonnes le dimanche avec leurs amoureux? Non, pas seulement les bonnes. Et c'est d'ici qu'elles reviennent le dimanche soir, quand on les voit se hâter vers la maison, les joues enflées, leurs petites toques de travers. Elles sont toujours en retard. On voit qu'elles sont parties à contre-cœur. Alors, ici, elles s'amusent, madame. C'est bien ce qu'on appelle le paradis du dimanche. Elles dansent au son de l'orgue de Barbarie et elles boivent du sirop de grenadine et de framboise. Ce n'est pas grand-chose. Oui, il y a aussi le vin de Hattin, madame. Et pourtant, vous entendez comme elles s'amusent. Oui, décidément, c'est cela. Elles rient, elles sont heureuses. Vraiment heureuses, pas autre chose. Cela vous remue le cœur de les entendre. Oui, mais pourquoi, en fin de compte, ne pas commander du vin de Hattin? Les collines de Hattin sont à 2 pas, il n'y a même pas de frais de transport. C'est une boisson délicieuse, c'est meilleur que le Malaga. Ça vous va? Oh, certainement. Oui, vous voulez que nous prenions du vin de Hattin? Mademoiselle! Oui? Mademoiselle, nous prenons du vin de Hattin. Mazette! Du vin de Hattin! Tout de suite, monsieur! Ben pourquoi t'es dit Mazette? Du reste, la grenadine aussi, c'est peut-être pas mal la grenadine dans le fond, c'est moins, c'est plus. C'est déjà pour une bouteille? Ce monsieur dame en désirait 2, non, peut-être. Pas, non, alors ce n'est pas la peine. Pour l'instant, enfin, nous verrons. Ce monsieur dame n'a qu'à commander. Je suis le directeur propriétaire de l'établissement Intirouche. Notre seule ambition est de voir dans notre maison des visages où la joie se reflète. Le sourire de notre clientèle est notre seule récompense. Naturellement, je parle de la clientèle fine, celle qui s'est appréciée et qui nous fait honneur. est-il? Ah, il est bon, il est bon, il est pas mauvais, hein. Il réchauffe les oreilles. Oui, c'est pas la première fois que j'en bois du vin de hauteur. Et désirez-vous un morceau spécial? Un morceau? Je voulais dire de musique. Notre orgue harmonium joue les airs de danse les plus connus. Nous dirons ceux qu'on entend le plus souvent. Mais si pour une raison particulière, il plaît à ces messieurs dames d'écouter un air de leur choix, ces messieurs dames n'ont qu'à parler. C'est un privilège que nous réservons à notre clientèle. Pour 50 centimes. Oui, peut-être en profiterons-nous, ce n'est pas impossible. Vous avez aussi le tir à la carabine. Le tir à la carabine? La carabine à bouchon. Anna, montre. On tire et un bouchon bas. Ah, un bouchon? Pour éviter tout danger. Ah. On peut tirer sur un ami, une amie, une cliente quelconque. C'est une plaisanterie, mais très, très à la mode. En conclusion, allégresse, bonne humeur, jeunesse. Toujours sans dépasser les limites, naturellement. C'est une recommandation que nous devons faire à tout le monde. N'y faites pas attention. Ici, c'est un établissement fait pour l'allégresse. Un établissement équivoque. Nous lui avons fait très bonne impression. Hein? Vous avez vu, quelle déférence. Il en a même bafouillé, le pauvre homme. Ah, le brave homme. Ah, la maison ne me déplaît pas. Elle ne déplaît pas. Et le petit vin non plus. Il coule. Il coule. Je crois pas qu'il soit considéré comme un vin de luxe. Il doit pas être cher du tout. Lousta, vous croyez qu'on va me voir? Quelqu'un qui vous connaîtrait? Quelques connaissances. Mais moi, personne ne me connaît, vous comprenez? Personne. Oui, alors il serait difficile que quelqu'un vous reconnaisse. Mais c'est justement ça qui me fait rire. Personne ne sait que je suis ici. Personne ne pourrait imaginer que je viendrais dans un endroit pareil. Oui, et pourtant nous y sommes venus. À la part de tous. J'ai une envie folle de tirer la poignée du billet. Oh oui, nous pourrions gagner la trompette. Ou bien, si vous voulez, madame, tirez sur moi avec la carabine, une fois ou deux. Lousta, nous avions un chat jadis. Oui, un petit chat blanc. Nous le gardions prisonnier à la maison. Pendant très longtemps, notre pauvre petit chat miaula en vain derrière une porte fermée, au-delà de laquelle il y avait l'étoile, l'aventure. Et les souris. Puis les années passèrent et la porte resta ouverte. Seulement, voyez-vous, c'était lui alors qui ne voulait plus sortir. Oui, Lousta. Sortir l'effrayait. Il n'osait plus. Peut-être n'était-il plus assez jeune. Oh, c'est une histoire triste, madame. C'est comme les vieux employés. Ils soupirent sans cesse après quelques jours de congé, puis à peine sont-ils à la retraite, ils savent plus quoi faire et ils meurent. Savez-vous ce que je suis, moi, aujourd'hui? Un chat blanc qui a eu du courage. Ne le dites à personne, mais je crois même que je suis fière de moi. Quel air doux et léger! Cela me rappelle... Peut-être suis-je un peu effrayée, mais je suis sortie, et c'est très faux. Nous ne faisons rien de mal, n'est-ce pas? Ah non, je suis un honnête homme, madame. Oh, Lousta! Ouais donc? J'ai tiré la poignée. Vous avez tiré la poignée? Vous aviez mis les 50 centimes? Je n'y ai pas pensé, j'ai dû tirer trop fort. Oh, zut alors! Oh, ces machins-là, il suffit de les regarder pour qu'ils se détraquent. Vite, vite. Asseyons-nous, faisons comme si de rien n'était. Oui, oh, oui, je crois bien que je vais payer la bouteille tout de suite, moi, c'est plus prudent. Mademoiselle! Je crains que ce ne soit une erreur de l'avoir pris. Le vin? Ces cafés sont de véritables guet-apens. Ah non, vous croyez qu'ils en profitent? Je propose de partager réellement la dépense en bon camarade. Ah bah oui, on peut faire comme ça, hein, si vraiment vous y tenez. Mademoiselle! Vous m'avez appelé? Oui. Voilà, c'est 50 livres. Hein? Eh bien, je le vois bien. Oui, j'attends la monnaie. Hop. Bon. J'ai pris les devants. Oh, Lousta, regardez! Quoi donc? Ce monsieur et son chapeau dans le lac. Oh. Ah, il l'a pris. Ah. Non! Oh, peut-être bien qu'il va tomber lui aussi. Ah non! Oh, quel dommage! Oh, le mien est au vestiaire. Tout ça, je crois que je vais tirer un coup de bouchon. Oh oui, nous allons tirer des coups de bouchon. Oh, c'est terrible. Je bois et je n'y suis pas habituée. Ah, moi, je le supporte bien, alors ça ne me fait plus rien du tout. Mais écoutez-le de nouveau. C'est une fille. Elle rit. Elle rit parce que la framboise qu'elles ont dentée est rose, parce que la serveuse dit « je viens !» parce que le lac est bleu, parce que les poêles sont blanches, légèrement azurées. La vie est faite pour être heureux. Savez-vous ce que me rappellent ces jeunes filles qui rient? L'herbe. La mauvaise herbe. L'herbe sotte qui pousse partout, même sur les murs sans aucun ordre. Et pourtant, elle pousse. Elle doit grandir, elle monte, joyeuse, folle, étonnante. L'herbe. Oui, à condition qu'une grosse pierre stupide ne lui tombe pas dessus. Ça arrive quelquefois. On aurait pu être, qui sait, des héros, pourquoi pas. Quelquefois, je m'imagine que... Voilà, je rentre à la maison, cette soir. Je respire un doux air frais. Je marche en silence, tout doucement, en sifflant, les mains dans les poches. Et je me sens joyeux. Mais alors, vraiment joyeux. Joyeux sans raison. Vous comprenez? Je ne me suis pas bien expliqué? Moi, quand j'étais toute petite, après dîner, je me mettais à la fenêtre. On m'appelait. Adriana, que fais-tu? Rien, je suis là. Il faisait sombre. J'entendais les feuilles remuer dans le jardin. Et tout à coup, il me venait... Je ne saurais comment dire. Un espoir. Un battement de cœur. Vous vous appelez Adriana? Adriana. Et vous? Charles. Quel beau temps. Pour être vraiment heureux, c'est peut-être cela qu'il nous faut. Qu'on nous aime. C'est comme pour l'herbe, il faut la bonne saison. Oh, Lousta, on pourrait faire jouer cette vieille chanson. Celle qui dit adieu, ma belle dame, elle me plaît tellement. Adieu, ma belle. Qu'on nous aime. J'ai dû travailler très jeune, quitter les miens. À la maison, nous n'avons même pas eu le temps de nous aimer. Ça doit être vraiment beau. C'est très beau. Savez-vous en réalité pourquoi ces jeunes filles se conduisent ainsi? Parce qu'il y a à côté d'elles quelqu'un qui les aime. Elles le savent. Et alors, quand nous savons qu'on nous aime, alors nous disons des choses drôles, nous plaisantons, on a envie de faire des niches, de se cacher derrière les portes. Au lieu de marcher, on voudrait s'en aller par les rues en sautant, en courant comme des gamins. Parce que nous savons qu'on nous aime, nous devenons un peu tyranniques. Parfois, nous faisons un peu la tête. Parce que nous savons qu'on nous aime. Nous savons qu'on nous demandera, Adriana, qu'est-ce que tu as? Nous pleurons aussi, mais c'est bon. Parce que nous savons qu'on nous aime. Nous regardons par la fenêtre, nous voyons la belle journée, et tout à coup nous nous sentons, oui, comme vous l'avez dit, vous, heureux à en mourir. La nuit, nous nous réveillons. Et immédiatement, nous sentons dans tout notre cœur une douceur, un bien-être. Parce que nous savons qu'on nous aime. Nous nous sentons les oreilles chaudes, le cœur chaud, les joues chaudes. Parce qu'on nous aime. Vous, on vous aime. Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors vous devez être très heureuse. Oui, heureuse. Vous êtes sûre que lui vous aime? Oui, sûre. Comment vous faites pour en être sûre? Oh, ces choses-là se comprennent. Et puis il me le dit tout le temps. Ah, c'est pas un petit peu ennuyeux d'entendre ça tout le temps? Je le lui dis que c'est ennuyeux, mais ce n'est pas vrai. C'est très bon. Il est jaloux. Il m'écrit de petits mots. Je les retrouve après, dans mes poches, sous ma serviette. Ça, t'es pas stupide. C'est divin. Il me tyrannise. Il veut savoir où je suis allée. Il dit qu'il pense toujours à moi. Toujours, toujours. Et je sens sa pensée comme une tiédeur sur moi. Je ne sais pas. Comme une chose douce, laineuse, sur mes épaules. Il dit qu'il ne pourrait pas vivre sans moi. Il ne pourrait pas respirer. Je lui dis, mon chéri, tu es bête. Mais c'est le bonheur qui est bête. S'il n'était pas aussi bête, il ne serait pas aussi merveilleux, merveilleux, merveilleux. Comme vous êtes belle, madame Adriana. On éprouve de la mélancolie à vous entendre. Ça doit être merveilleux de vivre auprès de vous. Attention, juste attention. On voudrait toujours rester à vous écouter. Oh. Vous aussi, vous riez comme ces jeunes filles. Oh, c'est justement celui-là, quel bonheur. Tia-ra-ra-li-la-la, tia-la-la. Savez-vous danser, Lousta? Non, je crois pas. Oh, courage, essayez. Non. Allez, tout seul, avec la musique. Tia-la, tia-li-la-li-la-la-la. Oh, que vous êtes drôle, Lousta. Tia-la-li-la-la-la-la. Tia-ra-ra-li-la-la. Tia-la. Vous ne vous sentez pas bien, madame? Que vous arrive-t-il un malaise? Il m'a semblé... Quoi donc? J'ai eu honte. Je me suis vue dans le miroir et j'ai eu honte. Je me suis fait un peu pitié. Honte? Mais il n'y a pourtant personne. Lousta, je ne suis pas ce que je vous ai dit. Je vous ai raconté beaucoup de mensonges. Des mensonges? Mais moi aussi, madame. Oh, partons immédiatement. On dit toujours quelques mensonges la première fois qu'on voit quelqu'un comme ça pour embellir. Moi aussi. J'ai jamais été aux Indes, madame. Je suis vice-archiviste. Lousta, savez-vous que j'ai un fils? Un garçon. Par exemple, petit? Assez petit. Bon, ça fait rien. J'ai aussi une fille. Elle s'appelle Lia. Et un mari, très affectueux. Mais le garçon est mon préféré. Il ne veut pas que je porte de jolies robes. Il a peur qu'on me regarde. Oui, je comprends. Eh bien, il y a un instant, tout à coup, c'est peut-être en entendant ses voix par là, il m'a semblé... Je me suis imaginé que mes enfants étaient là à côté, qu'ils me regardaient. Illusion. Oh, Lousta, j'ai senti mon cœur se serrer. Nous sommes une famille très à l'ancienne mode. Nous nous estimons beaucoup, mais surtout... Surtout? Je me suis vue dans la glace, moi, danser comme une pauvre fille, la figure toute rouge, à la rive des nains. Madame, j'ai très bien compris que vous avez un petit peu de chagrin aujourd'hui. Moi aussi. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui en parlait. Une sœur. Vous êtes venue, vous, et ça a été pareil. J'ai une grande confiance en vous. C'est bien que nous nous soyons rencontrés. J'en suis très heureux. Moi, au contraire, si vous saviez comme je suis triste, comme cela, brusquement... Je me dis que les miens peuvent apprendre que je suis venue ici, en cachette, avec un inconnu. J'en mourrais de honte. Mais il n'y a pas une ombre de mal à cela. Je n'oserais plus les regarder. Cela veut dire qu'il y a eu une légère ombre de mal. Oh, pas en vous. Vous êtes un jeune garçon. C'est d'ailleurs pour cela que je vous parle. Comme je n'ai jamais parlé à personne, vous savez. Parce qu'il faut bien se confier à quelqu'un. Quand on se sent un peu seul, un peu abandonné, quand on ne sait que faire, quand on est un peu bête, qu'on déraisonne, et que personne ne s'en aperçoit. Madame, ça n'est pas vrai ce que vous m'avez dit qu'on vous aime. Je plaisantais. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Ça n'est pas vrai qu'on vous tyrannise? Ça n'est pas vrai qu'on met des petits mots dans vos poches? Oh, partons, Lousta, partons. Il me tarde d'être à la maison. Les miens en font même beaucoup. Ce n'est pas vrai. Personne ne vous demandera où vous avez été quand ils vous reverront. Mais ils ont tant de choses à faire. Ils vous laissent seuls, ils vous font souffrir, ils vous oublient. Mais non, il faut se rendre compte. Ils ne restent pas près de vous pour vous écouter. Ils n'entendent plus votre voix et leurs yeux ne vous regardent plus. C'est moi, peut-être, qui ne sais plus me rendre utile. Qui ne sais plus quoi faire. Voilà tout. Madame, je voudrais faire quelque chose. N'importe quoi, je voudrais lutter. Je voudrais vous défendre toute ma vie. Quels bons yeux vous avez. Et quel grand sot vous êtes. Que se passe-t-il? Une jeune fille. Une jeune fille? Que fait-elle? L'alcool l'a rendue malade. Libre? Assez, oui. Que lui font-ils? Ils se moquent un peu d'elle. Ils ont versé de l'alcool dans son corsage. Quelle brutalité, quelle méchanceté. Partons, Lousta, quel affreux endroit. Une petite jeune fille? Ah oui, jolie même. Mais n'y a-t-il personne avec elle? Je suis un jeune ami timide et sans autorité. Elle l'asperge d'eau de sel si elle le menace avec une carabine à bouchon. Et les gens? Ils rient. Quel lâche, presque une enfant. Partons, Lousta, partons. Mais je ne demanderai pas mieux, madame, mais c'est à cause de ma monnaie. Je lui ai donné 50 lire. Mademoiselle! Vous avez appelé? Oui, j'attends ma monnaie. Quelle monnaie? Comment, qu'est-ce que vous me dites là? Telle monnaie, la mienne? Je vous ai donné 50 lire. Mais oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais que se passe-t-il? Ce sont des chaises. Il l'a pas? Non, ce sont des chaises cognées par terre en signe de joie. Oh, je suis toute tremblante. À cause des chaises, ils les arrangeront. On lit dans les journaux des histoires tellement horribles. Ah, ça sent des verres, ça sent des assiettes. Oh, mon Dieu, mademoiselle, mademoiselle! Mademoiselle! Oui, elle arrive, la monnaie, je ne l'oublie pas. Mais que se passe-t-il de l'autre côté? Mais rien, madame. Madame, ils cancipaient. C'est comme ça, ils le font pour se donner de l'importance. On fout là-bas. Vite, venez. On maltraite une jeune fille. On l'attrape. Vite, venez. C'est notre agent, c'est ça. Ça n'a pas d'importance. C'est par là, monsieur l'agent. Il se passe des choses, monsieur l'agent. On maltraite une jeune fille. Oui, par là, là derrière. Par là. Ah. Par là, derrière. Où est le téléphone? Par là, derrière. Par là, derrière. Ben maintenant que l'affaire est en bonne main, je crois qu'il vaudra mieux s'en aller pendant qu'il téléphone. Oh, hein. Mon sac. Oui. Oh, et ma monnaie. Ma monnaie. Oh, pour un peu, j'y renoncerai. Non, ce qu'il y a de diabolique dans cette affaire, c'est que je l'avais, la monnaie. Une étrange impulsion m'a poussé au contraire. Partout, c'est partout. Oui, je demanderai pas. Oui, enfin, viens partout et dire que j'avais la monnaie. Mon chapeau. Mon chapeau, mademoiselle. Et même mon chapeau. Un petit moment, messieurs dames, s'il vous plaît. Je vous ai infiniment obligé de bien vouloir patienter une petite minute. Pourquoi? En attendant que vienne un fonctionnaire, il arrive. Mais vous n'avez pas compris, il ne s'agit pas de nous, c'est là. Là, ici. Là, ici. Pourquoi là, ici aussi? Ah oui, désordre, incident, parfait. Ici et là. Oui, mais pourquoi dans ce cas-là, ne pas commencer par là? Ah, remarque pertinente, monsieur. Mais je crois que par là, on a déjà commencé. Rien de grave, mesdames, rien de grave, une surprise de la police. Au début, cela fait l'impression qu'il suffit d'avoir des papiers et pas de briquet de contrebande. La cinquième surprise en deux mois. Aucun café du voisinage ne peut se vanter d'en avoir eu autant. Vous verrez les journaux demain, vous verrez les journaux. Du calme et des papiers, mais du calme, du calme. Mais nous, nous sommes innocents, monsieur l'agent. Nous n'avons rien fait. C'est justement madame qui vous a appelé. Je ne dis pas le contraire. Ah bon, très bien. Bon, mais maintenant que l'affaire est en bonne main, les vôtres, nous sommes très tranquilles. Et nous partons pas bien. Croyez-vous? Ou nous pouvons attendre dehors? Jeune homme a fait le malin. Mais les appréhensions de madame. Oh, je vous jure, monsieur, que mes appréhensions. Oh non, chère madame, non, une fois oui, mais pas deux. Avec le sac, vous m'avez eu, je ne dis pas, mais avec les appréhensions, vous allez un peu fort. Marié femme, hein? Oh non, chère madame, oh non. Vous allez commettre une véritable erreur judiciaire, monsieur, si vous pouviez avoir l'obligeance de me mettre en rapport avec un fonctionnaire plus intelligent que vous. Ah! Parce que moi, je ne suis pas à la hauteur, n'est-ce pas? Non, non, non, alors, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je faisais allusion à quelque autre fonctionnaire, non pas plus intelligent que vous, mais d'esprit plus ouvert. Ah! Vous avez bien fait de vous expliquer, jeune homme. C'est Henri. Monsieur, mais écoutez-moi. Mais du calme. En deux minutes, cela fait l'impression. Mais tu ne te fais jamais écouter. Je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais tu ne te fais jamais écouter. Vous ne me connaissez pas, monsieur. J'ai des relations. Je suis connu, vous savez. Vous apprendrez à me connaître. Oh, nous ne sommes pas ici dans un établissement convenable. Mais noir, monsieur, avec un pommeau d'ivoire. L'avez-vous vu? Quoi donc? Mon parapluie, monsieur. Je vous en prie. Mais du calme! Du calme! Silence! Faites tout le monde reste en place! Me voici, monsieur le vice-conseiller! Oh, mon Dieu! Me voici! Je suis là! Par ici, monsieur le vice-conseiller! Mon Dieu, mais pourquoi faut-il que j'aie toujours la guigne? Non, mais monsieur... Pourquoi, sergent, faut-il que vous soyez toujours aussi stupide? Ah non, mais c'est pas... Ne vous ai-je pas dit mille fois de ne plus me téléphoner? Certainement, non, mais plus jamais! Mais non, plus mais jamais. Il y avait les... Mais ces histoires ne sont pas de ma compétence! Mais c'est pas ici, monsieur... Enfin, savez-vous, oui ou non, que je suis premier conseiller? Ça, je ne savais pas. Non, ah, bah, alors vous devriez le savoir! Et vous devriez savoir aussi que j'ai droit à quelques égards! Mon Dieu, madame! Mon Dieu, voulez-vous un verre d'eau? Mais faut pas vous laisser impressionner comme ça, je suis là, moi! Vous pouvez compter sur moi de la manière la plus absolue! Qu'y a-t-il? Je cherche mon parapluie, monsieur. Quoi? C'est un souvenir. Vous ne l'auriez pas vu, non? Non, non, non. Mais non, je n'ai rien vu, monsieur, je ne sais rien. Madame, nous avons la conscience tranquille, il nous suffira de nous expliquer. Nous nous expliquerons au commissariat. Au commissariat? Mais c'est épouvantable, oh! Mon mari, ma petite Lia Robert. Oh, mon Dieu, comme c'est affreux, comme c'est absurde. Surprise par la police. Mon nom dans tous les journaux. Peut-être même la nuit au commissariat. Madame, que dites-vous? Oh, pour l'amour du ciel, Lousta, faites-moi sortir d'ici. Faites-moi sortir d'ici, sauvez-moi. Oui, je le ferai, madame, pour vous. Pour vous, je ferai n'importe quoi, oh. Voyez-vous, à n'importe quel prix. Attendez-moi là, soyez tranquille. Je vous ferai sortir oui. D'ici. Par ici, monsieur le vice-conseiller. Par ici, monsieur le vice. Par ici, attention, Yann. La voilà, monsieur le vice-conseiller. Oh. Mère admirable, mais j'étais presque certain de vous trouver sur les lieux. Mais une vraie mère, c'est toujours avant tous les autres. Hmm? Elle est la première à accourir. Mais tranquillisez-vous, madame. Mais ce n'est rien. Votre fille se sent déjà beaucoup mieux. Ma fille? Oui, oui, rien de grave. Une méchante liqueur. Ah, évidemment, ça éveille parfois une gaieté un peu tumultueuse, même agressive. Un petit peu trop de bruit. Mais rassurez-vous, une escapade innocente. Ma fille. Mais madame, rassurez-vous, elle est là, elle se porte mieux que moi. Ma fille. Oh, mon Dieu. À la rive des larmes. Et dans un café de réputation douteuse, qu'un homme comme moi, qui a des charges, des responsabilités, il n'est pas le premier venu. C'est à la rive des linges que cet homme doit courir pour reprendre sa vie. Ah. Bonjour, Linz. Où est cette Péronnelle? Rassurez-vous, rien de grave. Une escapade innocente. C'est la jeunesse. La jeunesse, les jeunes filles modernes. Pendant que le père travaille, se sacrifie, je dirais presque se tue. Oui, il y a également ici... Linz, amenez-moi cet ingrat. Oui. J'espère que l'avenue de son père et le remords triompheront de son impertinence. Oui, il y a également ici, madame, votre épouse. Oh, pauvre Adriana. Elle est venue, elle aussi. Une véritable mère. Le monde est bien changé, cher Linz. Une indifférence inquiétante à l'égard de leur propre honneur et de celui de leur famille se répand rapidement chez les jeunes filles. Mais cette idiote s'est effrontée. Elle va venir. C'est que ta mère est là? Oh, pauvre maman, elle est accourue, elle aussi? Oui, Linz. Le monde glisse sur un plan incliné. Cette indifférence masque un relâchement, sinon des mœurs et des principes, c'est-à-dire du monde moral. Qu'y a-t-il? Votre fille, monsieur? Elle est plus là. Elle n'est plus là? Bon, je crois qu'on l'a emmenée au commissariat. Oh. Par erreur. Bien, très bien, au commissariat. Mais c'est grotesque, mais c'est l'anarchie, c'est un scandale. On arrête ma fille, ta sœur, pendant qu'on laisse en liberté les individus les plus louches qui peuplent ces lits de sédition, les bandits, les trafiquants d'or les plus dangereux, qui... Oh, alors, non, ne soyez pas si pressé, jeune homme, ne soyez pas si pressé, arrêtez-le. Rentrer. Oui, elle est à côté. Oh, quelle pagaille. Alors, mademoiselle, donnez-moi le 3918. Je voudrais qu'on me dise si un homme, une personne, qui a des charges, des responsabilités, qui n'est pas le premier venu. Allô, mademoiselle, le 3918. Et alors, le dîner? Quoi, quel dîner? Comment, quel dîner? On ne dîne pas ce soir. Allez au diable. Allô, mademoiselle. Cinglé. Oui. Je voudrais qu'on me dise si un homme qui travaille comme un esclave égyptien. J'ai demandé le 3918, mademoiselle. Ah, Adriana, mon petit. Que veux-tu, je suis en train de chercher. On en perd la tête, forcément. Sais-tu qu'on ne la retrouve pas? Allô? À la rive des nains. Soul. Et en compagnie d'un vaurien dont on ne sait même pas le nom. À la rive des nains. Tu sais, Frédéric, moi aussi j'y étais. Oui, je sais que tu es un ange, ma chérie, une véritable mère. Ah, que le monde est changé. Moi aussi, j'ai couru là-bas. J'en arrive à peine. J'ai pensé que j'avais mille choses à faire. J'avais pris rendez-vous avec Aldenaï, le président. Allô? Mais naturellement, c'est moi. Comment? Un parapluie? Avec un pommeau en os? Bon, enfin, je vous en prie, je suis le conseiller Norbury. Mais non, je ne cherche pas un parapluie, je cherche ma fille. On ne la retrouve pas. Eh bien, vous ne vous fatiguez pas, la préfecture. Passez-moi le chef de la sûreté. Comment elle est? C'est une jeune fille. Comment elle était habillée? Est-ce que je suis, moi, avec une robe? À la gare. Avec une feuille de rapatriement. Et l'accent de la campagne. Mais non, ce n'est pas une domestique, c'est ma fille. Passez-moi l'INSS, d'urgence. Quelle petite sotte, quelle ingrate que ta fille. C'est aussi la tienne, Frédéric. Ah, bien, bien, très bien. Envoyez-le-moi, je l'attends. Vous en êtes responsable. Il paraît qu'ils ont capturé son complice, le voyou, qui était avec notre fille. Adriana, mon petit, je crois que je me sens mal. Oui. Un jour ou l'autre, avec ma tension, tu verras. Je ne sais comment je peux résister. Question d'énergie. Avec mon travail, mes charges, mes responsabilités. Un homme âgé, qui devrait être entouré d'égards, de respect. On l'a retrouvé. Pas la moindre trace. Oh, il y a de quoi se jeter par les fenêtres. Tu as entendu, maman? À la rive des nains, hein? La plus sale boîte de la ville. Tu sais, Robert, moi aussi j'y étais. Oui, ça va, je le sais, tu es une sainte, maman. Moi aussi j'ai accouru, parce que je voulais lui donner deux gifles à cette petite garce. Je voudrais savoir où elle a bien pu se fourrer maintenant. Maman, tu ne sais pas, toi, où elle est? Tu l'as beaucoup trop gâtée, Adriana. Ils dirent que ce soir, je devais retrouver des camarades pour mon diplôme. Oui, on dînait dehors, c'était formidable. Eh ben non. Et moi, comment faire avec Aldenaï? Je ne peux pas choisir un autre jour, c'est égoïste. En tout cas, il nous paiera ça, il lui faut une bonne leçon, hein, pas d'indulgence. Autrement, c'est moi qui me révolterai. Sais-tu, Lia, que j'ai presque décidé avec Robert d'envoyer Lia. Chez tante Elisabeth, six petits mois de campagne avec les poules et les vaches. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais Adriana, pour la punir. Pour qu'elle apprenne. Le temps que les racontards se dissipent et qu'on oublie cette histoire. Mais vous savez bien qu'il s'agit d'une histoire innocente. Ou bien quoi, mais qu'est-ce que tu voulais? Un meurtre? Une jeune fille? Il va manger de la crème et danser avec un jeune homme de son âge. Oui, on va le voir maintenant, le jeune homme de son âge. Il paraît que c'est un type louche. Ils vont l'amener ici, je suis curieux de voir sa tête, moi. Et d'abord, cette petite tête n'aurait pas dû. Pas rester pour son père, pour moi. Quand on est la fille d'un homme qui s'est élevé à un certain niveau, on a des devoirs. Mais puis, il s'agit bien de crème, elle était complètement ronde. Il est évident qu'elle avait bu quelques boissons alcoolisées. Il est assuré qu'elle tirait des coups de bouchon contre les sergents de ville. Et puis, excuse-moi, Adriana, mais je ne te comprends pas. Je travaillais à mon diplôme, j'ai dû tout planter là. Et moi, une réunion très importante. Nous sommes une famille de gens comme il faut. Mon frère, ton oncle, avait entré dans la carrière diplomatique. Mais la police s'en est mêlée, te rends-tu compte? Je ne vois pas en quoi ma fille est fautive si la police, au lieu de poursuivre les malfaiteurs, s'amuse à perdre son temps dans les cafés. Enfin, tu ne veux pas comprendre que c'est l'établissement le plus ignoble, le plus compromettant, le plus équivoque de toute la ville. Je vous ai déjà dit que moi aussi j'y étais. Oui, Adriana, nous le savons, la belle affaire, ça n'a aucun rapport. Tu es allée en dominant ta répugnance naturelle, tu es allée parce que tu es une vraie mère, l'ange de la famille, c'est clair pour tout le monde. Tu as très bien fait. Mais Lia, à quel titre y était-elle? De toute façon, c'est du domaine public, tout le monde en parlera. Oui, un scandale. On n'a pas fini d'en faire les gorges chaudes. La mine que je vais avoir avec mes camarades. Et moi, à mon bureau, enfin tu imagines, avec la jalousie de Kefel. Sais-tu, Adriana, que c'est peut-être le grain de sable qui pourrait nuire à mon avancement? Oui, eh bien, moi, avec ma sœur, je ne me montre plus dans la rue. Je ferai semblant de ne pas la reconnaître. Enfin, espérons que ces 6 mois passés chez tante Elisabeth arrangeront tout. De toute façon, ça lui fera du bien pour la santé. Alors, mademoiselle, donnez-moi le 39-18. Tu aimes beaucoup ta fille. Le 39-18, mademoiselle. Quelle question? Il me semble que je suis un père comme les autres. Parfois, tu l'emmènes se promener le dimanche. Ça te fait plaisir qu'on te dise qu'elle est jolie? Ça devrait m'être désagréable. Puis tu ouvres le journal ou tu parles à Linz de ton avancement. T'es-tu seulement demandé ce que pense cet être qui vit près de toi? Quels sentiments, jour après jour? Quelles inquiétudes, peut-être? Quelles erreurs? C'est une histoire de fou, les inquiétudes de ma fille. À présent, il faut que je sonde les inquiétudes de ma fille, jour après jour. Allô, mademoiselle, j'ai demandé le 39-18. Je suis un conseiller général, moi, je ne suis pas un sondeur d'âme. J'ai des charges, j'ai des... Des responsabilités, je sais, Frédéric. Robert a son diplôme, vous ne pensez qu'à cela, même maintenant. Vous avez pensé à l'avancement, aux camarades, rien d'autre. Heureusement, il y a quelqu'un qui s'est préoccupé de la petite. Moi, j'étais là-bas, je l'ai ramenée. Elle est à côté. Comment? Lia? Oui. À côté? Je lui ai parlé longuement. Et j'ai eu le temps de beaucoup penser. J'ai pensé à tout. Mais alors? Oui, Frédéric, c'est une affaire réglée. Tu peux ouvrir ton journal. Seulement, Seulement? Seulement, je crains qu'il n'y ait autre chose. Il ne s'agit plus de Lia. Je veux dire. Il s'agit de moi. Parce qu'à la rive des nymphes, j'y étais, moi aussi. Toi aussi, toi aussi. Allô, allô, mademoiselle, le 39-18. Adriana, je sais, tu as été sublime, je t'ai déjà remercié. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que je t'érige une statue? Je sais, des femmes comme toi, on n'en trouve pas beaucoup, ça n'existe plus. Vois-tu, Frédéric, ce qui m'a... comment dire... ce qui m'a serré le cœur, c'est de voir que dès la première minute, personne, ni toi, ni Robert, ni Linz, personne n'a eu ne serait-ce que l'ombre d'un doute. Dès que vous m'avez vue là-bas, j'ai été tout de suite, pour tout le monde, la femme admirable, le bon ange de la famille. Mais tu le regrettes? C'est parce que nous te connaissons, ma chérie. J'ai l'impression d'être, je ne sais pas, un ange, oui, mais insensible, de bois, même pas, un objet familier, oui, un balai. Un balai qui sert à tenir la maison propre et en ordre, dont on prend soin, naturellement, parce qu'il sert, mais qu'il serait superflu d'approcher avec un peu de tendresse. Tendresse pour un balai? Ce serait stupide de s'en préoccuper tant qu'on sait qu'il est là. On le retrouve ou on l'a laissé. Il est très utile. Mais il faudrait être vraiment fou pour y penser en se promenant. Au balai. Adriana, tu as besoin de repos. Ça t'a fait de la peine, hein? Que personne n'ait pu soupçonner que tu sois venu en cachette dans ce lieu clandestin. Oui. Mais qui pourrait imaginer une aventure pareille? Mais il faudrait être borné ou insensé. Borné ou insensé? Mais bien sûr, car nous te connaissons, car nous t'aimons. Car vous m'aimez? Mais oui, ma chérie. Eh bien, écoute, une simple hypothèse. Qu'aurais-tu dit si j'étais vraiment allée là-bas à votre insu? Toi? Là-bas? Oui. Mais oui, Adriana, puisque tu y tiens, nous te croyons, personne ne veut te contrarier. On dirait une idée fixe. Une idée fixe, n'est-ce pas? Parce que ça vous paraît impossible de penser que moi, je sois différente de cet objet utile qu'il vous est commode d'imaginer. Je te comprends pas. J'ai bien peur que ce ne soit la vérité, Frédéric. Et peut-être même depuis longtemps. Sache-le donc, Frédéric. Je m'y trouvais vraiment dans ce café. Avec quelqu'un. Ah, Adriana, je t'en prie. Avec quelqu'un. Et ce soir, chez Tante Elisabeth, nous irons toutes les deux. Ma fille et moi. Oh. Adriana, le voyou, le complice, papa, ils l'ont amené, il est à côté. Ah. Une vingtaine de criminels, hein. Une canaille, de quoi vous donner le frisson. Amenez-le donc. Il y a plus yeux, tu sais. Il n'est qu'il se débat. Tiens. Un individu récalcitrant, monsieur le conseiller. Il m'a donné du fil à retordre. Mais vous ne voulez donc pas comprendre que j'y suis pour rien? Je ne sais même pas qui est votre sœur ou votre fille. En fait, une confusion inadmissible, une erreur. Et je proteste. Vous ne voulez donc pas comprendre que je suis un citoyen innocent et que je suis capable de me mettre en colère? Et que j'écrirai une lettre aux journaux? Oui, j'écrirai aux journaux. Papa, que se passe-t-il? Lia est à côté, tout est arrangé. Ah, ben tu aurais pu me le dire. Et alors? Et alors? Et alors ta mère dit qu'elle quitte la maison. Maman? Oui, elle est en train de faire ses valises. Elle dit que nous ne l'aimons pas, elle s'en va. Elle s'en va. Elle quitte la maison? Adriana? Adriana? Elle quitte la maison. Ah, madame Adriana s'en va. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, ben dites-moi. Mais de quoi vous mêlez-vous, vous? Mais regardez-moi ça, quelle audace, quelle inconscience! Et tout cela par votre faute! Papa, t'as du mal à comprendre, enfin elle s'en va et pourquoi? Quel rapport y a-t-il avec maman? De ce que je sais, moi. Ben, c'est toi qui as dû la brusquer. C'est vrai, faut-il, c'est ça? Qui d'autre? Toi! Et je voudrais bien que tu m'expliques pourquoi vous avez dû mettre ton nez dans cette histoire. Il y a été ma fille ou la tienne? Tu veux me dire qui a débité ces idioties sur la carrière diplomatique et tout le reste, hein? Ta rhétorique habituelle? Et la tante Elisabeth, qui dans la sortie, celle-là? Moi aussi, tu m'agaçais, si tu veux le savoir. Mais elle a vraiment dit qu'elle s'en allait, c'est sûr. Je ne sais pas, ce sont les choses qu'on dit. Et qui se font parfois. Taisez-vous, vous, je... Et vous êtes le conseiller Norbury, n'est-ce pas? Comment? Auriez-vous quelque chose à dire? Oui, monsieur, j'ai quelque chose à dire. J'ai justement à dire que vous, de façon générale, vous n'agissez pas bien. Je n'agis pas bien? Non, monsieur, non, ni chez vous, ni ailleurs, c'est-à-dire au bureau. Au bureau? Oui, monsieur, on dit que vous rouspétez tout le temps, que vous n'arrêtez pas de chercher la petite bête. Mais pardon, monsieur, voulez-vous me rappeler votre nom? Non, c'est Lousta, Charles. Charles Lousta. Et aussi chez moi, dites-vous? Je n'agis pas bien, même chez moi. Oui, j'en ai bien l'impression, monsieur, chez vous aussi. D'ailleurs, il suffit de vous regarder pour s'apercevoir que vous êtes un homme peu divertissant. Mais profondément égoïste. Madame Norbury aura bien raison de vous abandonner. Et je suis persuadé qu'elle le fera. Elle s'en ira chez la tante Elisabeth à Bella Vista. Mais comment se fait-il que vous en sachiez si long sur la tante Elisabeth? Qui vous en a parlé? Je sais. Et ce dîner? Nous n'avons pas faim. Ah, vous n'avez pas faim. Eh bien, prenez garde. Si madame s'en va, je ne reste pas dans cette maison. Compris? Le porteur est venu. Il dit que madame lui a téléphoné. Le porteur? Pour prendre les valises de madame. Quoi, les valises de madame? Papa! Adriana! Adriana! Mais comment? Mais pourquoi? Que lui avons-nous fait? Mais alors, c'est vrai. Savez-vous ce qui l'a offensé? C'est que nous ayons confiance en elle. C'est une histoire de fou. Elle est blessée. Elle dit qu'elle se sent une étrangère parmi nous. Monsieur le conseiller, savez-vous tout ce que cela veut dire? Vous le savez, vous? Cela veut dire que madame Norbury a enfin compris. Quoi donc? Quoi donc? Monsieur, il y a des femmes qui supportent pendant des années d'être incomprises, végétant dans une ombre froide. Puis un beau jour, un éclair, elles comprennent, leurs yeux s'ouvrent, et alors? Plus rien à faire, la chaîne est brisée pour toujours. Madame Norbury partira. Elle partira? Vraiment? N'en doutez pas. On dirait que ça vous fait plaisir. Oui, ça me rend heureux. Et pour quelle raison, je vous prie? Parce que je vois que malgré tout, une mystérieuse justice, une secrète harmonie, finit toujours par triompher dans les choses de ce monde. Mais qu'entendez-vous par là? Monsieur, on m'a traîné jusqu'ici de force, avec brutalité même. Mais moi, de toute façon, je serais venu spontanément. J'avais besoin d'éclaircir quelques petits détails. Éclaircir quoi? Vous le saurez, éclaircir et arranger, mettre de l'ordre. Mais vous... Mais qui êtes-vous? Peut-on savoir? Charles Lousta. Oui, monsieur, Charles Lousta, vice sous-archiviste adjoint surnuméraire. Une de vos victimes. Je vais enfin parler, la situation exige que je vous regarde bien en face, d'homme à homme. Eh bien, regardez-moi, bon Dieu, contemplez-moi, personne ne vous en empêche. Voyez-vous, monsieur, au fond, je ne vous en veux pas. Je suis venu avant tout pour vous convaincre et je suis persuadé que je vous convaincrai. Vous vous étonnez que votre femme veuille partir, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit restée avec vous jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Votre femme n'avait rien pour la retenir dans cette maison. Vous ne la méritiez pas, vous n'étiez pas à sa mesure, voilà tout. Robert, s'il te plaît, va chercher la jambe. Non, non, non, papa, attends. Non, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous résigner. Quoi? De laisser faire. Laisser faire? De vous tenir à l'écart. Me tenir à l'écart? Je suis persuadé que vous arriverez à vous en convaincre. Mais vous êtes un fou, vous êtes à l'exalté. Non, monsieur, je suis un homme honnête et loyal, très différent de vous. Enfin, sur ce point, il faudra que moi aussi je sois franc, une bonne fois pour toutes. Commençons par vous. Et qui croyez-vous être pour qu'on puisse vous aimer? Pensez-vous être sympathique avec votre air de fils à papa, votre long cou, vos chemises de soie? Les rétiers élevés à coups de fortifiants et de gouvernantes. Moi, j'ai jamais eu de fortifiants ni de gouvernante. Voilà, quant à vous, je vais vous dire ce que vous êtes. Une sorte de trompette parlante. Mais je ne sorte que grondement. Croassement, croassement, gargarisme, borborisme, criaillerie, ébraiement fastidieux. Vous êtes un tambour. Vous êtes rempli d'air et de bruit et vous voudriez Adriana, mais quelle odeur! Mais vous... Lousta, je vous avertis que j'ai mal ici. Tout ce que vous touchez, audite, devient rhétorique, papier mâché, mensonge, échappatoire, préfecture, carrière. Vous êtes un tyran. Je ne me sens vraiment pas bien, vous comprenez? Robert, sais-tu où ta mère range le bicarbonate? Vous êtes un bourreau aux mains blanches, un homme sournois et cruel. Vous êtes un cadavre qui commence à se décomposer. Vous en avez presque l'odeur. Il est juste que vous restiez seul, en proie aux remords. Je vous dis que je suis malade. Personne ne me croit quand je dis que je suis malade. Et personne non plus ne sait où se trouve le bicarbonate. Le bicarbonate! Oh, quel égoïste, si maman part, je pars aussi. Moi, je ne reste plus dans cette baraque. C'est moi, mon petit, c'est moi qui ferme la maison. Je démissionne demain, j'irai à l'hôtel. Je n'en aurai plus pour très longtemps à vivre, avec la cuisine des autres. Vous êtes un homme épais, borné. Il y a de quoi être horrifié quand on pense que votre femme a dû vous supporter jusqu'à maintenant. Vous ne la méritiez pas, vous n'étiez pas à sa hauteur, voilà tout. C'est même pas de votre faute. Vous ne l'avez jamais vraiment regardé. Vous n'avez jamais écouté sa voix. Sa voix. Elle vous abandonnera et ainsi prendra fin cette discordance ridicule dans la symphonie de l'univers. Car Madame Norbury est une fleur. C'est un oiseau de Dieu, c'est certain. C'est un ange. Mais vivant, chaud, joyeux. Près d'elle, on se sent confiant, en sécurité. On se sent compris, réjoui, illuminé. Mais oui. C'est exactement ça. En la voyant, on comprend enfin quel était le dessein de Dieu quand il pensa à créer la femme. La chose la plus réussie du monde. Quand elle est réussie. C'est exactement ce que je pense. Seulement, moi, je ne sais pas le dire à Adriana. Je ne sais pas trouver ces mots-là. Quand on est à côté d'elle, c'est comme lorsqu'on marche dans la rue et tout d'un coup, on passe près d'un jardin en fleurs. N'importe quel homme à peine digne de ce nom se ferait couper en morceaux pour demeurer à côté d'une pareille femme. Lousta. Lousta, écoutez-moi. Vous seul pouvez redresser la situation. Parlez-lui comme ça, ma femme. Parlez-lui. Vous. Comment? Mais oui, je vous ai très bien compris. Vous avez voulu nous faire des reproches, nous secouer. Bravo. Maintenant, achevez votre œuvre. Secouez-la. Tâchez de la tendrir, elle aussi. Dites-lui que si elle s'en va, la maison s'écroulera et que je mourrai. Oh, oui, parlez-lui, vous, Lousta. Oui, oui, vous. Parlez-lui, vous savez si bien expliquer les choses. Parlez-lui, persuadez-la. Je vous nomme titulaire définitif. Maman, maman, maman! Viens. Lousta, que faites-vous ici? Que voulez-vous me dire? Au moins ceci. Vous ne devez absolument pas vous laisser vaincre par la tentation de pardonner à ces gens-là. Et que devrais-je leur pardonner? D'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire totalement indignes de vous, sourds à tout, sauf à ce qui les arrange. Vous avez le défaut d'être indulgente. Non, non, rien. Partez. Cher Lousta. C'est mon devoir d'empêcher qu'on vous trompe et qu'on vous sacrifie encore une fois. Il feigne de se repentir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de boucler vos valises. Un peu de comédie. Non, non, c'est pas de la comédie. C'est un égoïsme vrai, sincère, dégoûtant. Votre fils. Robert même. Il n'aime que lui. Et mon mari même. Oh, celui-là, c'est le plus révoltant. Il dit qu'il va fermer la maison. Mais il cherche le bicarbonate. Il dit qu'il va démissionner et mourir. Il dit que son estomac aussi s'est fermé pour toujours. Pauvre Frédéric. Pauvre? Oh non, je vous en prie. C'est un hypocrite. Vous devez l'abandonner. C'est son destin. C'est juste. Et c'est votre devoir. Bien sûr, Lousta, bien sûr. Seulement, il est arrivé quelque chose. Quoi? Savez-vous qui est là, derrière cette porte? Une enfant qui était devenue une jeune fille. Et personne ne s'en était aperçu. Ma fille. Savez-vous ce que j'ai fait pendant cette demi-heure-là? Ce que combinent les mères, des fiançailles, Lousta. Oui. Mais vous n'étiez pas en train de préparer vos valises? Et qui donc se serait inquiété de tout cela? Il fallait bien que quelqu'un s'en souciât, n'est-ce pas? Il a fallu écouter des confidences, envoyer chercher une certaine personne. Ah, vous voilà tous les deux. Peut-on savoir où vous allez? Oh, arrête, maman. Je suis fatiguée d'entendre des sermons aujourd'hui. Je ne veux plus en entendre, je sors avec... Et moi, je dis... Ah, à présent, nous sommes officiellement fiancés. Officiellement, il me semble que ça suffit, non? Ah, très bien, bravo, la nouvelle génération. Fiancée, n'est-ce pas? J'espère que si vous en avez le temps, si ça ne vous dérange pas trop, vous daignerez peut-être me l'apprendre, m'annoncer aussi la nouvelle. Il me semble que j'existe, moi aussi. J'étais sûre que t'écoutais à la porte. Il est permis, je pense, à un père. Allons-nous-en, Mich. Reste ici. Oh, arrête, papa. Tu l'as dit mille fois que Mich était un bon parti. Je t'ordonne de rester ici. Reste un peu avec nous, Lia. Ce soir, je voudrais te dire tant de choses. Mais maman, c'est justement pour pas les entendre que je sors. Lui aussi, il a des choses à me dire. Moi, je préfère les siennes. Alors, nous sortons ensemble, nous dînons en ville. Je reviendrai très vite. Mais je vais tout de même pas me fiancer en famille. Lia! Oh, maman, de ton temps, c'était différent. Tu peux pas comprendre. Alors, reviens vite. Tu me l'as promis, souviens-toi. Mais oui, bien sûr. Ça vous en coupe le souffle, hein? Quelle désinvolture! Et hop, on a qu'un œil, fiancé. Dîner en ville et malheur à celui qui ose dire un mot. Ahurissant. Heureusement que tout est éclairci. La classique tempête dans un verre d'eau. Bon, écoute, maman, puisque maintenant tout est arrangé, ça t'ennuierait si je sortais un instant, moi aussi? Tu sais, je t'ai dit que je devais voir ce camarade ce soir pour mon diplôme. Il est un peu tard, mais... Peut-être. Tu le trouveras peut-être encore. Va, Robert. Ah, mais je peux aussi rester, si tu veux. Va, mais ne rentre pas tard pour dîner. Ce soir, nous avons de la tarte aux amandes. Oui. En plus, je ne crois pas qu'ils me retiendront. Dans le cas contraire, je téléphonerai. Oui. Tu peux l'attendre. Ah, quels égoïstes. Quelle jeunesse, quelle époque. La nouvelle génération. 6h30. Tu étais parfaite, Adriana. Un ange, vraiment. Ces enfants ne le comprennent absolument pas. Il faudra en reparler longuement de ces fiançailles. Mais cette Lia, hein? Tranquille, comme si de rien n'était, nous dînons en ville. Quelle impudence. Moi, je reste à la maison. Très volontiers, étant donné les circonstances. Moi qui avais vraiment un rendez-vous, juste en ce moment. Oui, avec Aldenaï, à l'hôtel Astoria. Mais je te l'ai dit, il me semble. Oh, je ne fais rien. Frédéric, si tu faisais un saut jusque là-bas... Jamais de la vie. Te laisser seul après tout ce qui s'est passé. Mais cela peut être important pour ton avancement. Bien sûr, c'était important. Tant pis. Va, Frédéric, fais-le pour moi. Et te laisser seul? Le jour de ton anniversaire? C'est moi qui le veux, pour notre avenir. Écoute, si vraiment tu le veux. Et puis je te laisse notre bon loustar. Il est un peu fou, mais il n'est pas antipathique. Il te tiendra compagnie. Et quand je rentrerai, nous reparlerons de tout cela. Sais-tu, Adriana, que tu m'as presque fait peur avec ton histoire de la rive des Naves? J'ai failli y croire. Sérieusement? Je te l'ai dit comme ça, pour voir si tu m'aimais. Ce n'était pas vrai. Tu es mon ange, ma chérie. Ah, si Aldenaï me retenait, tu me garderas ma part de tarte pour demain. Tu les réussis toujours si bien. J'étais sûr qu'il ne comprendrait pas et qu'il vous abandonnerait encore une fois. C'est pourquoi j'ai à vous dire ceci. Il faut quitter ces égoïstes et partir avec moi. Avec moi. Loustan, mais je ne suis pas fou. Il y a quelque chose de nouveau, d'important. J'ai compris tout d'un coup que le monde à côté de vous serait pour moi un charme fou. Et aussi pour vous, je ne veux plus envoyer de mots d'excuses à personne. Je mourrai de chagrin chaque minute en vous sachant en proie à cet homme obtus qui prend du bicarbonate. Peut-être cet homme est-il meilleur que vous, Loustan. Il ne me conseillerait jamais un acte déloyal. Mais il ne vous aime pas. Vous n'avez jamais été aimé, et vous êtes si jeune. N'est-ce pas ce qu'on dit aux femmes qui ont leurs premiers cheveux blancs? Personne ne vous a jamais comprise. Je vous veux pour moi. C'est seulement en vivant auprès de vous que je vivrai vraiment. Quelle belle soirée, Lousta. Et vous êtes le meilleur garçon du monde. Et le plus bête. Vous ne savez pas ce que c'est être heureux. Peut-être que personne ne le sait vraiment, Lousta. Mais il suffit d'un soir comme celui-ci pour croire qu'on est heureux. Venez. Vous et moi traversons le jardin et partons. Nous reviendrons, nous ne vous trouverons plus. Oh, Lousta. Les vraies femmes ne font pas cela. Mais vous aimez donc cette baraque pleine de conventions, de mesquineries et de routines. Des êtres qui ont confiance en nous. Qui nous sont proches, la famille. Mais ce sont des égoïstes et des menteurs. Mais peut-être le sommes-nous tous, Lousta. Vous aussi, moi aussi. Et puis, il va falloir penser à Lia, au trousseau, d'ici peu de temps. Oui, ils se marieront, vos jeunes gens. Et vous savez ce qu'ils feront? Ils vous colleront dans les bras leurs enfants. Oui, les enfants de votre fille. Ils vous laisseront encore ici, seuls avec les mioches. Voilà ce qu'ils feront. Oh oui, c'est cela. C'est cela. Je croyais n'avoir plus rien à faire dans cette maison. Et au contraire, c'est justement maintenant qu'ils vont avoir besoin de moi. Bonsoir, madame. Adieu, Lousta. Un baiser, comme à Robert. Vous lui ressemblez un peu.